Bonjour à tous. Pour cette nouvelle séance du séminaire de l'imaginaire, nous avons le plaisir d'accueillir Séverine Olivier, qui nous vient de l'Université des Livres de Bruxelles, où elle est assistante en roman. Donc, elle a fait une thèse doctorat sur le roman sentimental et, évidemment, par sujet connexe, elle s'est beaucoup intéressée également à la littérature chick lit, comme on dit. Et donc, à ce titre, nous l'avons repéré, nous avons demandé de venir nous parler de Bridget Jones. Je lui cède la parole en la remerciant d'ores et déjà. Merci. Alors donc, je vais vous parler en effet de ce personnage, de cette figure de femme que je qualifierais d'ordinaire. Et donc, c'est en 1996 que paraît le journal de Bridget Jones, Bridget Jones Diary, publié par Helen Fielding. Et donc, ce personnage de la célibataire, célibatante, à la recherche du prince charmant. Une femme avec ses qualités, mais aussi et surtout ses défauts, qu'elle ne manque pas de dévoiler dans son journal et de tourner en dérision. Alors ce personnage qualifié de post-féministe apparaît dans un contexte économique, littéraire et surtout social propice que le lancement rapide de collections étiquetées chick lit, la multiplication des avatars de Bridget Jones et le caractère transmédiatique de cette nouvelle figure qui est reprise dans les films, les séries, les BD, prouvent en fait. Trois axes vont déterminer l'orientation de cette intervention. Dans un premier temps, je vous propose d'examiner plus en détail les spécificités de ce personnage et ses origines, donc jusqu'à l'apparition d'une littérature qu'on va appeler chick lit et qui rassemble les clones de Bridget Jones. Je tenterai ensuite de cerner les raisons de son succès, et si j'ai encore un peu de temps, m'interroger sur la pérennité du personnage et sur les prolongements auxquels il a donné lieu. Mais commençons donc par Bridget Jones. Donc, première chose, elle va naître sous la plume de chroniqueuse. La production, vu le succès en fait du phénomène, va très vite être rassemblée sous forme de collection. Donc, on assiste à une sérialisation de la production et à un étiquetage avec le nom donc de la chick lit. Mais que recouvre ce terme et que se cache-t-il derrière le terme de chick lit? Alors, pour vous présenter ce personnage, j'avais pris un petit extrait vidéo pour commencer, en espérant qu'il parle. Voilà. Alors, présentons Bridget Jones. J'ai résumé ses caractéristiques, donc pour ceux qui ignoreraient encore tout de cette femme ordinaire, pleine d'autodérision et bourrée de défauts, qui boit, comme on le voit, chante faux et porte d'affreux pyjamas mais résolument confortables. Bridget Jones, c'est une célibataire trentenaire en quête du prince charmant, qui vit dans la ville de Londres. Elle est citadine et tous les avatars de ce personnage sont des citadines, qui est entourée par quelques amis proches qui lui servent de famille. Une série de copains mariés fiers de l'être qui n'arrêtent pas de lui rappeler son statut de célibataire, une mère abusive qui cherche à tout prix à la marier, un père aux abonnés absents. Dans la sphère professionnelle, c'est une petite employée dans l'édition et qui manque de confiance en elle et qui tente à tout prix à l'aide des conseils dispensés dans les magazines féminins ou dans les guides pratiques du type « les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », de prendre de bonnes résolutions qui l'aideront à contrôler ses addictions, la cigarette, l'alcool et à perdre du poids. Alors, ces bonnes résolutions sont résumées ici pour le film, mais c'est exactement de la même façon que commence son journal, puisque Bridget Jones cherche à proscrire de boire plus de 14 unités d'alcool par semaine, à proscrire fumer, à proscrire, me ruiner bêtement en machine à faire des pâtes, sorbetière et autres ustensiles de cuisine dont je ne me sers jamais, indiquant en effet que parmi ses qualités, Bridget Jones ne compte pas celle de cordon bleu. À proscrire toujours traîner à la maison en tenue débraillée ou dépenser plus que je ne gagne. Donc dès les premières pages, le ton est donné. Hélène Fielding lance ainsi un personnage plus anti-héroïne qu'héroïne en réalité. Alors, elle apparaît en fait sous la plume d'une chroniqueuse, donc Hélène Fielding, qui publie les chroniques de ce personnage à partir de 1995, en réalité, dans un quotidien anglais qui est dit « Independent ». De l'autre côté de l'Atlantique, Candace Bushnell fait elle aussi paraître, depuis 1994, dans un hebdomadaire, cette fois, de New York Observer, les chroniques amoureuses de New-Yorkaises, parmi lesquelles Carrie Bradshaw, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est un petit peu coupée là-haut, qui est l'alter ego de l'auteur. Et c'est ainsi que Sex and the City voit le jour, parallèlement à Bridget Jones. Ces deux ouvrages sont publiés tous les deux en format livre en 1996. Alors Candace Bushnell s'inspire de son expérience et de celle de ses contemporaines, et elle décrit les mœurs des femmes de Manhattan, qui, belles, riches, talentueuses, n'en sont pas moins comme Bridget Jones à la recherche du prince charmant. Donc, elles sont glamour, certes, elles sont moins maladroites parfois que leur équivalente anglaise, mais elles n'en sont pas moins des citadines trentenaires en mal d'amour. C'est donc ainsi que naît la chick lit, sous la plume de journaliste, et c'est un mode de publication qui rappelle un peu celui des romans feuilletons du 19e siècle. Alors, elles ne sont pas les seules, elles sont suivies par d'autres auteurs, comme Isabelle Wolfe, qui publie, elle aussi, dans le Daily Telegraph, Les Tribulations de Tiffany Trott. Et on va voir très très vite, au début des années 2000, apparaître toute une série de personnages qui rappellent ces Bridget Jones, Carrie Bradshaw ou Tiffany Trott. C'est le cas notamment de Andrea, qui est l'héroïne du Diable s'habille en Prada. Donc ces personnages et cette littérature créée au départ par des anglo-saxonnes et des américaines entretiennent un rapport étroit avec la presse généraliste d'abord et ensuite avec la presse féminine, une presse qui est décriée dans Le Diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger qui est publiée en 2003. Et ce récit présente, tout comme les confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella ou encore Chaussures à son pied de Jennifer Weiner, des clones de Bridget Jones, puisque toutes ces histoires s'axent sur les problèmes que rencontrent des citadines trentenaires. La quête de l'homme idéal, l'addiction au shopping pour la shopaholic qu'est Becky, l'héroïne de Sophie Kinsella, ou la difficulté à s'imposer dans l'univers professionnel, un univers lié généralement au monde des médias. C'est en effet la longue descente aux enfers d'Andrea que à la rédaction d'un magazine de mode qui est Vogue, en fait, figuré dans ce roman, que raconte le diable s'habille en Prada. Et c'est aussi sous la plume de journalistes de magazines féminins que vont apparaître, cette fois-ci en Europe, mais aussi au Québec, des personnages qui rappellent là aussi le personnage de Bridget Jones. Donc on peut citer Ildiko von Kürti en Allemagne qui publie un roman traduit en français sous le nom « Zéro de conduite » et qui narre les aventures de la loufoque Amélie Storm. Au Québec, on a entre autres India Desjardins qui est l'auteur d'articles pour le magazine de mode Clin d'œil et qui publie « Les aventures d'India Jones ». Et en France, on a également une des chroniqueuses de Elle, Sophie Fontanelle, qui invente la figure de Fonelle. Alors, je vous ai repris ici donc les chroniques de Fonelle telles qu'elles sont publiées dans le Elle et qui sont chaque fois des échanges d'e-mails, mais ces chroniques ont donné lieu à différents romans. Alors, toutes ces histoires sont d'abord éditées hors collection et sont le fait d'auteurs et non d'éditeurs. Toutefois, le succès des romans, et notamment le succès du journal de Bridget Jones, qui a été traduit dans plus d'une trentaine de langues, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et qui a donné lieu aussi à 2 films, vont inciter les maisons d'édition à fabriquer, et j'utilise véritablement ce mot à dessein, des collections qui vont contribuer à amplifier le phénomène de Bridget Jones. C'est le cas notamment de l'éditeur Harlequin. Alors, Harlequin est un éditeur bien connu de romans sentimentaux sériels, dont je vous présente ici un petit échantillon, qui est un échantillon de la collection Azur, qui se reconnaît au bandeau bleu de la collection, au couple enlacé. Tous ces romans, donc par mois, on a 6 à 7 romans publiés donc dans cette collection, qui ont toutes les plus ou moins les mêmes caractéristiques, puisque la collection Azur se passe dans le milieu de riches milliardaires. Et Harlequin, en voyant le succès de Bridget Jones, se dit il y a un bon filon, pourquoi ne pas lancer une collection? Et c'est ainsi que naît en 2001 aux États-Unis la collection Red Dressing, qui est traduite en France dès 2003. Alors, il s'agit bien de fabriquer une collection, puisqu'Harlequin fonctionne selon le système des Writing Guidelines, donc des consignes d'écriture. Il fonctionne avec une écurie d'auteurs qui doivent suivre des consignes d'écriture qui sont moins précises qu'on a tendance à l'imaginer a priori. Généralement, on pense à la page 20, ils doivent s'embrasser, à la page 25, elle doit faire ceci, à la page... C'est pas vraiment le cas. Il explique plutôt les caractéristiques de sa collection, et c'est le cas ici. Donc, la collection Red Dressing propose des livres qui sont destinés aux femmes du 21e siècle. J'ai mis cet élément-là en gras. Et c'est véritablement la cible affichée par l'éditeur, qui vise des citadines branchées, pour reprendre sa devise, de 18 à 35 ans. C'est le public cible de cette littérature. Alors, la maison d'édition, malgré tout, malgré ses consignes d'écriture, indique à ses auteurs d'innover et non d'imiter. Alors, même si elle insiste et veut se démarquer finalement de l'ouvrage traditionnel de type Bridget Jones, on se rend compte que la collection ressemble parfois à s'y méprendre, justement, au roman d'origine. C'est le cas du premier roman publié en français dans cette collection, Célibataire à New York, dont le titre rappelle par le célibat, bien sûr, la figure de Bridget Jones, et par la ville de New York, le roman Sex and the City. Et lorsque l'on lit la quatrième de couverture, ou en tout cas son début, on se rend compte qu'on est tout à fait dans le même genre de roman. « Ma vie est un désastre », affirme l'héroïne qui s'appelle Jane. « Voilà déjà 3 ans que je travaille à La Poche, une maison d'édition new-yorkaise. Tiens, tiens, Bridget Jones aussi travaillait dans l'édition, où je n'ai pas la moindre perspective d'avenir. Ma vie sentimentale, c'est un puits sans fond, une page pleine de ratures, sans compter que je vais bientôt passer le cap fatidique des 30 ans. » Donc de nouveau, une trentenaire en quête du prince charmant. Donc les éditeurs qui cherchent à conquérir un marché en pleine expansion n'hésitent pas à évoquer leur modèle et à publier des copies conformes de ce modèle. Alors Harlequin n'est pas le seul à se lancer, il y a plein d'autres éditeurs qui vont se lancer sur le marché français notamment. Je citerai J'ai lu avec Comédie, Belfond avec 1000 comédies, Marabout avec Girls in the City qui rappelle aussi le titre Sex in the City. Ou encore Fleuve Noir, qui lui va plutôt s'inscrire dans un créneau qui est celui de la gossip lit. La gossip lit, c'est la littérature de rumeurs. Donc ce sont là aussi c'est un sous-genre de la chick lit, caractérisé par les ragots, la rumeur, la délation dans un milieu généralement huppé. Alors l'exemple type de cette littérature, c'est celui donné par Cécilie von Ziegesar. L'auteur ne vous dit peut-être rien, mais la série Gossip Girl vous dit peut-être quelque chose, puisque elle est actuellement sur nos écrans, enfin plus tout à fait, mais elle est passée récemment. Alors, chez ces éditeurs, même francophones, la plupart des romans sont traduits de l'anglais ou de l'américain, parce que la traduction revient généralement moins cher que la production directe, même s'il y a des auteurs francophones. C'est plus efficace de traduire des romans qui ont déjà fonctionné à l'étranger, ça coûte moins cher, et il faut dire que les auteurs françaises n'ont pas envie travailler pour ses éditeurs à la chaîne, comme on peut le voir chez Harlequin, et généralement, elles n'ont pas envie d'être assimilées à la chick lit, qui est une étiquette qu'elles jugent plutôt méprisante. Donc on assiste alors à deux types, finalement, de stratégies éditoriales. Une qui repose plutôt sur la renommée des auteurs qui se vendent tout seuls, qui sont un succès ou qui vont être étiquetés par l'éditeur chick lit, mais qui ne s'inscrivent pas véritablement dans des collections. Et puis une seconde stratégie éditoriale qui est celle de collections, de publications en série, clairement identifiables. Alors qu'est-ce que la chick lit, puisque j'utilise cette étiquette depuis le début, qu'on en a parlé. Alors, avant de s'attarder sur l'origine de cette étiquette, éclairons sa signification. Chick lit, c'est évidemment de l'anglais. C'est une abréviation selon les critiques de Chicken Literature, d'où mon poulet, mais qui est parti un petit peu sur le côté. Donc, littérature de poulette, en fait, au départ. Alors, il est certain que chick, en anglais, désigne la nana, la fille, et donc que chick lit est l'abréviation de chick literature, une littérature populaire pour les filles. Si l'on en croit l'ouvrage de Ferris et Young, qui est le premier ouvrage américain publié sur cette littérature, l'étiquette serait née sous la plume d'une romancière américaine, Chris Mazza, dans une anthologie consacrée à la littérature féminine contemporaine pour désigner une littérature populaire féminine frivole, une littérature populaire qui fait plaisir, pour laquelle on ne se prend pas la tête, et donc sans grande profondeur. Alors, chez cette romancière, c'est pas vraiment une critique, c'est surtout un constat, c'est de dire, voilà, il existe ce type de littérature qui détend et fait plaisir. Toutefois, cette étiquette va être utilisée par la presse de façon péjorative et négative pour critiquer le phénomène à succès que représente l'arrivée de Bridget Jones et ses avatars sur le marché. Donc, cette étiquette est utilisée péjorativement par les journalistes. Et face à ces attaques, les auteurs et les amateurs de chick lit vont réinvestir positivement l'étiquette et dire oui, on fait de la chick lit, mais on le revendique. Donc, on va voir apparaître l'utilisation de cette étiquette comme quelque chose de positif. Et autour des années 2000, l'étiquette va se populariser et surtout être réutilisée par les éditeurs dans un but purement commercial. Donc, ce sont des stratégies éditoriales et commerciales qui vont populariser l'étiquette de chick lit, qu'on retrouve même dans les librairies. Et les libraires l'étendent parfois à tout type de production féminine, ce qui fait que lorsque vous entrez dans une librairie, vous allez peut-être avoir sous le bandeau de chick lit non seulement les clones du journal de Bridget Jones, mais aussi des romans sentimentaux de type Harlequin ou les récits de Daniel Steele, alors que ces productions diffèrent notablement de la chick lit, notamment parce qu'elles se prennent un petit peu trop au sérieux, alors que la chick lit se caractérise fondamentalement par son humour. Donc, justement, comment définir la chick lit? Je repartirai des critiques proposées par les journalistes américains qui proposent en fait pour ce roman une recette toute faite. Si vous voulez faire votre propre roman chick lit, il vous faudra commencer avec une jeune citadine. Qui est généralement employée dans un des... et vous avez quatre possibilités, donc soit elle est employée dans les milieux de l'édition, soit dans les relations publiques, soit dans la publicité, soit dans le journalisme, et vous devez ajouter à ces deux premiers ingrédients une anxiété à propos des éléments cités ici, ou à propos de l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire l'anxiété à propos de son corps, de sa vie sexuelle, de son horloge biologique, sa mère ennuyeuse, les problèmes que représente l'immaturité émotionnelle masculine, sa peur de mourir seule, son addiction au shopping, son insuffisante collection de chaussures, son addiction au tabac, son salaire peu élevé, sa consommation excessive d'alcool et sa difficulté à trouver l'amour. Et là, vous avez de nouveau le choix entre quatre villes possibles, quatre villes ou quartiers, New York, Manhattan, Gotham ou Londres. Ajoutez à cela, une fois que vous avez tout ça, vous mélangez le tout et vous lui rajoutez un paratexte, une couverture présentant soit le cocktail, le sac, le talon, soit le cocktail, le sac, le talon, les talons aiguilles dans l'autre sens. Alors, c'est satirique, mais lorsqu'on regarde le paratexte, les couvertures des romans, on se rend compte qu'on n'est pas très éloigné de la réalité. Sophie Kinsella, pour ce roman-là, on a le sac en couverture. What a Girl Wants, on a le cocktail, les chaussures à talons aiguilles, la volonté de partir en vacances et le prince charmant. Et le deuxième roman de Lorraine Weisberger, Sexe, Diamant et plus si affinité, nous présente en effet ce talon aiguille planté dans une bague. Donc on voit qu'on n'est pas si loin que ça de la réalité. Alors qu'en est-il de la chick lit? La chick lit, qui s'inspire et popularise la figure de Bridget Jones, se définit sur un plan purement thématique. Elle raconte en effet l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune citadine, âgée d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, généralement blanche et de classe moyenne, qui est aux prises avec un travail harassant ou inintéressant, et là aussi les journalistes n'ont pas tort, c'est dans le monde des médias, rédaction d'un magazine de mode, maison d'édition, émission télévisée, qui est à la recherche de Mr. Right, donc de l'homme idéal, qui est en désaccord avec sa famille et qui est miné par un besoin compulsif, celui d'acheter des vêtements par exemple, qui vise à calmer ses anxiétés. Alors le roman peut se focaliser sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques, Bridget Jones mélange un peu le tout, mais on voit par exemple Le Diable s'habille en Prada sera plutôt sur le harcèlement au travail, le milieu du travail, Les confessions d'une accro du shopping plutôt sur l'addiction au shopping. Alors que le roman se focalise sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques, l'une des choses essentielles qui n'est pas reprise ici dans la recette, c'est l'humour et l'autodérision. Et puis s'ajoutent à cette définition certaines caractéristiques formelles, parce que la chick lit est souvent écrite à la première personne du singulier sous forme d'un journal ou d'un blog, donc on privilégie les confessions, et elle joue aussi avec les technologies informatiques modernes. En vous parlant de Funnel, je vous avais montré que c'était sur le roman est basé simplement sur des échanges d'emails. Donc l'héroïne retranscrit ses conversations, SMS, reproduit ses emails, etc. Alors, cette descriptive, cette définition a des limites, mais elle permet de cadrer ce phénomène littéraire et éditorial qu'est la chick lit. Toutefois, comment expliquer le succès de ce phénomène-là? Donc ici, je vous ai repris la définition que je viens de vous donner. Alors, les raisons du succès, pour expliquer le triomphe de cette nouvelle figure populaire de femme célibataire, célibatante, j'avancerai plusieurs hypothèses. Première chose, les raisons s'expliquent par des politiques de marketing bien menées. Donc les romans de chick lit sont avant tout des produits de marketing. Mais elles s'expliquent aussi par le fait que le roman de type Bridget Jones est un roman de mœurs contemporain qui parodie le quotidien. Donc ce phénomène s'inscrit dans un cadre littéraire, transmédiatique et social propice à son développement. Alors commençons par le produit de marketing. Depuis le succès du journal de Bridget Jones, les romans chick lit ne sont pas conçus comme des livres par les éditeurs, mais bien comme des produits immédiatement reconnaissables à leur couverture et conçus pour fidéliser un public, soit parce qu'ils sont rassemblés en collection, et je vous ai parlé de la collection Red Dressing, soit parce qu'ils donnent lieu à un nombre important de clones et de suites. Le journal de Bridget Jones est suivi par Bridget Jones, l'âge de raison, où la série d'une accro du shopping compte aujourd'hui 6 romans, parmi lesquels l'accro du shopping dit oui, donc elle se marie, et l'accro du shopping attend un bébé. Donc c'est une façon de fidéliser le public. Mais le marketing entourant l'exploitation du personnage et ses avatars ne s'arrête pas à ces stratégies qui sont plutôt traditionnelles. Produit de la société de grande consommation, vantant ses plaisirs parce que ses romans vantent à tour de bras les sacs Louis Vuitton, les chaussures Manolo Blahnik ou Jimmy Choo, etc. Produit donc de la société de grande consommation, la chick lit va s'inscrire dans des campagnes de promotion particulières. Par exemple, un des romans de Red Dressing publié en français qui s'appelle Fashion Victim, fait la publicité à la fin du roman de Lycra. Vous avez tout un encart sur les caractéristiques et, de Lycra et pourquoi il faut porter des bas Lycra. Autre exemple en France toujours, le lancement de Blonde Attitude, qui est un ouvrage de Plume Size qui met en scène les aventures d'une princesse de Park Avenue, s'accompagnait, lorsqu'il a été publié en livre de poche, d'un concours offrant un an de coiffure gratuite chez Franck Provost. Donc on touche ainsi un public qui ne connaît peut-être pas encore cette littérature. À la rigueur, la personne qui va chez Franck Provost va découvrir aussi le livre. Il y a donc des contacts entre la marque, les marques et les ouvrages. Et donc soit l'auteur découvre, le lecteur découvre la marque par l'intermédiaire de l'ouvrage, soit il découvre l'ouvrage par l'intermédiaire de la marque. Aux États-Unis et en Angleterre, les auteurs dédicacent parfois leurs livres, non pas à la foire du livre, mais dans des grands magasins comme Bloomingdale's ou Marks & Spencer. Donc d'autres sont abordés par des grandes marques, d'autres auteurs sont abordés par des grandes marques qui leur demandent de faire figurer leur nom au sein du roman. « Oh, ce serait bien si l'héroïne roulait dans telle ou telle voiture. » Donc, tout en vantant les plaisirs de la société de grande consommation, les héroïnes de chick lit pratiquent ce qu'on appelle le « name dropping », c'est-à-dire la citation des noms connus, donc je vous ai dit Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Vuitton, mais aussi Prada, qui alimentent le côté glamour de cette littérature, promue aussi par des dérivés télévisuels et cinématographiques qui sont de véritables défilés de mode. Dans Sex and the City, le film, Carrie Bradshaw porte à peu près 80 tenues sur une heure et demie que dure le film. Donc c'est vraiment la publicité des grands créateurs de mode. Donc les livres sont donc conçus comme des fashion books décrivant les tribulations de fashion victims. Toutefois, on n'aurait pas pu faire un produit de marketing de cet ouvrage si Bridget Jones n'avait pas fonctionné dès le départ. Et pourquoi a-t-il fonctionné ? Un peu comme Madame Bovary ou surtout Elizabeth Bennet d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, à laquelle elle est très souvent rattachée par la critique et par les auteurs, Bridget Jones serait la figure, l'héroïne, d'un roman de mœurs, un roman dépeignant les us et les coutumes en vigueur des citadines d'une petite trentaine d'années. Après tout, Bridget Jones, c'est moi, c'est nous, c'est la femme trentenaire, c'est l'archétype des jeunes femmes du XXIe siècle. Et sans doute les clés du succès d'un tel personnage sont-elles à chercher dans sa vraisemblance ou son réalisme, puisqu'il y a quelque chose de Bridget Jones en sélectrice. D'ailleurs, l'éditeur Harlequin indiquait dans ses consignes d'écriture « keep it real », c'est « faites véritablement quelque chose de réaliste ». Et c'est cette réalité triviale parfois, puisqu'on peut tout savoir de l'héroïne, son épilation, les bourrelets qui dépassent, l'affreuse culotte qu'elle vient d'enfiler, qui attire sans doute le lectorat. Alors, de quelle réalité plus spécifiquement s'agit-il ? D'abord, celle d'une nouvelle génération de femmes qui a privilégié ses études et sa carrière, au détriment, entre guillemets, d'une vie familiale immédiate, avec pour conséquence un report dans le temps de l'âge du mariage et la montée du célibat chez les jeunes trentenaires. Ce que le visage de Bridget Jones évoque est un phénomène social en fait constaté en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors je parlerai de l'Europe et de la France notamment. En 1999, donc un an après la sortie en français du journal de Bridget Jones, le sociologue Jean-Claude Kaufmann publie une étude qui s'intitule « La femme seule et le prince charmant, enquête sur la vie en solo », où il étudie justement le phénomène du célibat et des jeunes femmes célibataires. Et les observations de ce sociologue rappellent le contenu des fictions. Lié à une individuation du social, le célibat est considéré comme hors norme, bizarre, désapprouvé par la famille qui n'y comprend rien, et qui se voit d'ailleurs remplacé par un groupe de soutien, de pères, de copines. De plus, même si elle revendique son statut et se voit soutenue, la célibataire ne cherche pas moins à trouver l'amour, ou du moins continue à croire à l'amour et à l'homme idéal, le prince, puisque dans notre société, seul le couple est effectivement légitimé. Et donc le portrait ici que trace Jean-Claude Kaufmann des célibataires qu'il a rencontrés rappelle celui de Bridget Jones, d'autant que nombre de célibataires rencontrés par ce sociologue s'adonnent à la pratique de l'écriture intime, donc au journal, façon de se pencher sur soi, ou à de petits plaisirs tels que la dégustation du chocolat ou les aventures sexuelles. Alors, loin de déprimer, ces femmes offrent aussi un profil de célibatante, qui n'est pas pour autant sans paradoxe, car, comme le souligne le sociologue toujours, la vie en solo, la vie de célibataire, est à la fois subie et voulue. Donc il y a ce paradoxe qu'on retrouve totalement dans l'ouvrage de Bridget Jones, qui est à la fois revendique son statut de célibat, mais qui en même temps est déprimée par ce statut-là et cherche à tout prix à trouver le prince charmant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont prêtes à abdiquer devant le premier venu et à attraper le premier homme qui se présente. Donc ces femmes décrites dans cette littérature s'affirment, affirment leur autonomie et leurs envies. Célibataire abattue parfois, Bridget Jones est aussi célibatante et représente finalement, deuxième caractéristique de ce personnage en prise avec la réalité, une féministe féminine. Étiquette qui, appliquée au personnage plutôt glamour de Sex and the City, pourrait se transformer en féministe en talons aiguilles. Elles sont donc, en fait, ces héroïnes sont donc féministes en talons aiguilles, Elles sont donc étiquetées post-féministes. L'étiquette qu'on va leur appliquer et qui résume en fait ce paradoxe, c'est l'étiquette de post-féministe. Alors que recouvre cette étiquette ? C'est une dénomination qui est aujourd'hui employée un peu à tour de bras par des féministes d'une part, par des femmes qui se définissent comme telles, par des chercheuses, par des auteurs de romans, tels que des auteurs de romans de chick-lit, par des journalistes, etc. Et donc, il y a autant de définitions que d'utilisateurs, définitions aussi variées que le concept est flou. Toutefois, je m'en tiendrai aux grands points communs, aux grandes caractéristiques qui traversent ces définitions et au sens le plus fréquent de ce concept pour vous expliquer en quoi les héroïnes de chick-lit sont des post-féministes. Alors, brièvement, plus qu'un mouvement comme l'est le féminisme, le post-féminisme est une attitude qui se veut l'héritière du féminisme puisqu'il défend l'indépendance des femmes, mais il le dépolitise. Donc, les post-féministes considèrent que les mouvements féministes sont dépassés, qu'après tout, les femmes ont obtenu l'égalité, et que les combats ont donc été remportés. En outre, le post-féminisme réinvestit positivement la notion de féminité, symbolisée ici par les talons aiguilles, c'est-à-dire que, adoptée volontairement, l'attitude féminine et sexy permettrait, selon les post-féministes, aux femmes de réaffirmer leur pouvoir. Donc elles se battent contre les féministes, qu'elles caricaturent comme étant des femmes masculines. Il s'agit ici de retourner à la féminité. Ça veut dire aussi que le post-féminisme lié à une certaine forme de glamour est associé à la société de consommation et à une attitude volontairement consumériste. Oui, les femmes aiment faire du shopping, ok, ça les empêche pas d'être féministes aussi, et donc pourquoi pas faire du shopping. Alors pour une vision plus imagée du post-féminisme, je renverrai au film dont j'ai pris ici une image, le film Legally Blonde, La vengeance d'une blonde, dans lequel l'héroïne blonde et féminine jusqu'au bout de ses ongles roses, finit tout de même diplômée d'Harvard, sans pour autant renoncer à sa féminité. Donc c'est véritablement, on joue sur ces deux tableaux-là. Alors bien sûr, le post-féminisme a été dénoncé par les féministes, et c'est pas un mouvement, il n'est pas politique, et qu'en plus, il est fortement associé à la société de consommation. Alors, cette attitude trouve sans doute là aussi un écho chez beaucoup de lectrices. Tout comme les célibataires, célibatantes représentaient un phénomène social, l'attitude post-féministe adoptée par les héroïnes de chick-lit doit rencontrer un écho chez les lectrices qui reconnaissent elles aussi ce qu'elles doivent aux féministes, mais s'en détachent, voire en critiquent les aspects les plus militants et les plus acharnés. Donc, l'attitude post-féministe n'est pas propre à la fiction et rencontre un écho dans notre société, comme le prouvent d'ailleurs certains articles de la presse féminine à laquelle la chick-lit est d'ailleurs associée. Ainsi, en 2004, dans Cosmopolitan, on pouvait lire un article de Sylvie Auvernois, qui est auteure aussi à 16 heures de quelques romans qui peuvent être qualifiés de chick-lit, qui était « Nous sommes tous des féministes » et qui indiquait « Ce que je voulais dire, c'est juste ça. C'est qu'on peut être féministe et s'interroger sur la plus jolie couleur de vernis à ongles, être féministe et adorer les comédies romantiques, être féministe et s'éclater à mijoter un crumble d'agneau au citron confit. On peut également être féministe et aimer passer l'aspirateur, être féministe et aimer les hommes, et d'ailleurs, on peut être féministe et être un homme. » Donc les discours, en fait, se rejoignent. Donc Bridget Jones et ses avatars ne sont pas des figures isolées, liées à la presse féminine qu'elle dévore et dont sont bien souvent issus leurs auteurs, elles sont en prise avec la société et ses réalités. Par conséquent, le succès de la chick-lit, roman de mœurs contemporains, tient sans doute aux campagnes de marketing, certes, mais aussi au miroir qu'il tend à ses lectrices. Créé dans la presse, imaginé par des journalistes auteurs de chroniques quotidiennes et hebdomadaires à partir de leurs propres expériences, ce nouveau personnage est entouré d'un parfum d'authenticité. Le roman se fait plus que fiction, il se fait témoignage. D'ailleurs, tout comme dans les magazines féminins, le lectorat est souvent interpellé. Eh bien les filles, alors les filles, vous aussi, vous savez, etc. Et donc, à travers Bridget Jones ou Carrie Bradshaw, pour revenir sur les pionnières du genre, se retrouve finalement une communauté de femmes qui se ressemblent. Se sentant concernées, et pas seulement par les thèmes abordés, les lectrices sont invitées à écouter les confidences d'une héroïne qui parle comme elle, puisqu'elles ont le même système, SMS, mail, etc., et qui est presque devenu leur meilleur ami. Ces procédés renforcent l'illusion référentielle, fiction et réalité s'estompent, et si la chiclit n'était finalement que le miroir de la propre existence des lectrices. D'autant que le personnage principal est loin d'être parfait, bien qu'au centre d'un roman, plus qu'héroïne, elle a tout d'une anti-héroïne, d'une femme ordinaire, qui racontant ses heures et ses malheurs, est avant tout en quête d'elle-même. Alors, le problème, c'est que s'il y a effet miroir, l'effet miroir, le « mais c'est tout à fait moi », ce caractère authentique chez Bridget Jones et ses clones, renforcé par la forme des romans écrits donc sous forme de confession et par le caractère réaliste des thèmes, ne suffisent pas à expliquer le succès du genre. Parce que quelque part, le célibat, le désir des femmes de s'affirmer dans leur vie privée et professionnelle, leur complexe, etc., sont autant de thèmes sérieux qui, renvoyant les lectrices à leur quotidien parfois morose, pourraient les faire fuir plus que les attirer. En fait, c'est le traitement de ces thèmes, l'aspect fantasmatique du roman et son humour qui assure l'adhésion du lectorat. C'est en effet un roman qui, clairement, parodie le quotidien. La chiclit ne se prend pas au sérieux et revendique sa frivolité, l'étiquette l'indiquait. La lecture donc de ces romans est donc sans risque et permet au lectorat de se plonger pour un temps dans un univers qu'il connaît certes, mais qui par certains aspects est aussi plus glamour que son quotidien. Les préoccupations des héroïnes ne se limitent parfois à rien d'autre qu'au choix cornélien de la future paire de chaussures de luxe à porter. Donc la plongée dans cet univers fictionnel est aussi une plongée dans un univers où tout en outre se finit toujours bien. Bon, l'héroïne ne trouve pas nécessairement chaussure à son pied, pour parler cette fois sur un mode métaphorique, mais elle se réconcilie avec elle-même, elle s'accepte. Plus qu'en quête de l'homme idéal, finalement, le personnage est surtout en quête de lui-même, et à la fin du roman, la balance de son existence, à défaut de toute autre balance, trouve son point d'équilibre. Donc la fin des romans est toujours une fin heureuse, où les héroïnes ne sont jamais punies pour leurs petits excès et leurs gros défauts. Bridget Jones, finalement, plus qu'une adulte, est surtout une adolescente, un mélange entre l'adulte et l'adolescente, qui prend rarement ses responsabilités, mais s'en sort tout de même. Donc on s'évade dans cette littérature, et on s'évade d'autant que l'on rigole. Si les sujets abordés sont ceux du quotidien, si les Bridget Jones sont des femmes ordinaires, le traitement de ces sujets et la peinture de ces figures féminines sont teintés d'humour et d'ironie. Le lectorat rit, et il ne rit pas spécialement des personnages, mais il rit avec les personnages, et sans doute le rire est-il quelque part libérateur. Donc la chiclit aurait ici un aspect plutôt cathartique et pourquoi pas thérapeutique, puisque rien n'est pris au sérieux dans cette littérature. Alors le dernier point, donc là c'était les raisons du succès, le dernier point concerne la pérennité d'une telle littérature. Notons que dès le départ, la critique s'est avérée sceptique face à l'ampleur du phénomène qui, vu ses limitations thématiques, ne pouvait que s'essouffler. Les chiffres de vente d'ailleurs de la collection Red Dressing d'Arlequin l'ont prouvé, vendus entre 20 000 et 25 000 exemplaires par roman au départ, les clones du journal du Bridget Jones ont rapidement perdu leur lectrice, sans doute fatiguée de lire toujours la même chose. Et plus qu'un roman sentimental traditionnel, la chiclit se répète vraiment, vraiment très très fort. Toutefois, cette répétition n'a pas pour autant sonné le glas d'une littérature qui, témoin d'une époque, a su évoluer avec ses personnages. Et c'est ainsi qu'sont apparues toute une série de sous-genres, notamment la mom-lit ou mommy-lit, qui raconte la maternité des héroïnes. Bridget Jones est enceinte dans le dernier volume des chroniques qui ont d'ailleurs été publiées là aussi dans un quotidien. Il en va de même pour Becky, l'héroïne d'une accro du shopping. Alors, la diversité de la production ne s'est pas seulement arrêtée là, puisque aux États-Unis, Bridget Jones a changé aussi de statut social, ou d'origine sociale plutôt, devenant tantôt afro-américaine ou latino-américaine, ce qui n'a pas vraiment de succès chez nous. Elle a vieilli parfois, donc au-delà de la jeune maman ou de la trentenaire célibataire, sont apparus des personnages de femmes âgées d'une quarantaine d'années ou vivant les affres de la ménopause, ce qu'on appelle la « henlit ». Elle a aussi et surtout rajeuni le secteur éditorial le plus prometteur actuellement, ou du moins le plus investi, c'est celui de la chiclit du junior, la teen chiclit, la chiclit pour adolescentes ou young adults. Ainsi, par exemple, Carrie Bradshaw est-elle l'héroïne actuelle du journal de Carrie, qui est un roman qui raconte son adolescence. Alors là aussi, on peut se dire que l'essoufflement peut être attendu. Mais la chiclite, c'est surtout un ton. La littérature et la littérature populaire a très souvent dépeint l'histoire de femmes et leurs conditions, lesquelles changent et évoluent. Mais ce que Bridget Jones a apporté avec son journal, c'est une façon de décrire ces conditions féminines. Avec humour et autodérision, sans se prendre au sérieux, avec une sorte de spontanéité et de naturel. Et donc, aujourd'hui, les avatars de cette héroïne sont des zombies ou des vampires, puisque c'est véritablement le succès qu'on connaît aujourd'hui, c'est la littérature de vampires. Et donc, elle se distingue par là, par cette thématique de leur modèle, mais elle continue à avoir ce regard lucide sur elle-même. Alors, outre son renouvellement thématique, ce qui a permis de garantir à la chiclite et à la figure emblématique de la célibataire célibatante une certaine forme de pérennité, c'est son exploitation transmédiatique. Alors, sa transposition pure et simple dans d'autres médias avec l'adaptation télévisuelle et cinématographique des romans. Donc, Bridget Jones a été adaptée au cinéma. Les romans sont adaptés plus ou moins, le second moins, mais le premier tel que le livre l'a décrit. Mais également, donc, on a la transposition dans certaines séries. Mais à côté de ces exploitations pures et simples des romans pour la télévision et le cinéma, sont aussi apparus dans le monde francophone surtout des blogs ou des bandes dessinées qui rappellent là aussi Bridget Jones. Ainsi, par exemple, Anne-Solange Tardy a-t-elle été découverte grâce à son blog et au succès de son blog. Elle a écrit un roman, en fait, donc un blook, qui a été publié ensuite sous format papier, qui est donc La double vie de Penelope B. Et donc, c'est le succès du blog avec un personnage qui ressemble à Bridget Jones qui a permis la publication de ce roman. Et à côté donc de ce phénomène de blog, les illustratrices et dessinatrices françaises qui ont d'ailleurs aussi commencé sur des blogs comme Margot Motin, Pénélope Bagieux, Aude Picou, Soledad Bravi, etc., ont dépeint elles aussi des héroïnes qui sont semblables à Bridget Jones, qui sont âgées d'une vingtaine ou d'une petite trentaine d'années et qui ont su tirer parti. Donc, ces illustratrices ont su tirer parti de la blogosphère ou des magazines féminins pour créer, faire remarquer leurs ouvrages de bande dessinée. Vous avez ici l'illustration de Pénélope Bagieux. On voit bien la thématique qui rejoint celle de Bridget Jones, c'est celle de la difficulté à accepter son corps. Et Pénélope Bagieux a commencé avec un blog, Pénélope Joli Cœur, sur lequel elle publie toute une série de vignettes de bandes dessinées qui rappellent véritablement la figure créée par Helen Fielding. Donc ce qui assure quelque part la pérennité de ce personnage, c'est qu'il a déteint partout, dans tout type de médias. Voilà, je vous remercie.